France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire du massacre des réfugiés palestiniens des camps de Sabra et de Shatila au Liban. Le 16 septembre 1982, alors que le pays du Sèvres est enlisé dans une violente guerre civile qui dure depuis plus de 7 ans, une milice chrétienne, appuyée par l'armée israélienne, pénètre dans deux camps de réfugiés situés dans la partie ouest de Beyrouth. Durant plusieurs jours, les miliciens massacrent méthodiquement des centaines, peut-être même des milliers de civils vivant dans ces immenses camps où s'entassent depuis plus de 30 ans des dizaines de milliers de Palestiniens. Une tragédie qui choque le monde et qui marque un tournant dans la guerre civile libanaise et au Moyen-Orient tout entier. Notre invité aujourd'hui, Serge Chalandon, journaliste et écrivain, il a couvert pour le journal Libération le massacre des camps de Sabra et de Shatila. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Vallu, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Beyrouth, le matin du samedi 18 septembre 1982. Une poignée de journalistes se présentent devant l'entrée des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et de Shatila, situés dans la partie ouest de la capitale libanaise. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils découvrent plusieurs unités de l'armée israélienne positionnées autour des camps. Ils observent aussi des centaines de miliciens chrétiens libanais en action. Certains escortent des réfugiés palestiniens vers un stade situé à quelques centaines de mètres de là. D'autres sont au volant de camions dont les cargaisons sont cachées par de grandes bâches. À mesure qu'ils s'avancent vers l'entrée des camps, une odeur intense les prend au nez à la gorge. Une puissante odeur qui émane des rues étroites, des immeubles et des maisons de fortune. Une odeur de cadavres de mort. Partout dans les ruelles, devant les portes ou dans les escaliers, les journalistes découvrent des corps empilés les uns sur les autres. Des corps mutilés d'hommes, de femmes et d'enfants. Il y a aussi ce silence, glaçant, transpercé par les pleurs et les suppliques de quelques femmes errant à la recherche désespérée de leurs maris et de leurs enfants. Pour comprendre comment durant 3 jours, les réfugiés de ces camps ont pu subir un tel déferlement de violence, il faut revenir en arrière et se plonger dans l'histoire sinueuse du pays du Cèdre. Il est, de par le monde, un pont que la nature a jeté entre 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, un pont de 10 500 km², formé d'une étroite bande côtière et de 2 chaînes parallèles, séparées par une plaine fertile, jadis appelée le grenier de Rome. C'est le Liban. Le Liban est un pays indépendant, à régime républicain, que compte 1 232 000 habitants. Il a pour capitale Beyrouth et pour frontière la Syrie au nord et à l'est, la Palestine au sud et la Méditerranée à l'ouest. Carrefour des peuples, le Liban fut également le carrefour des civilisations et des cultures dont il s'imprégnit jusqu'au plus profond de l'âme. La culture libanaise se présente donc aujourd'hui comme la résultante de plus de 6000 ans d'efforts, la synthèse de toute production intellectuelle, quelle qu'en soit l'origine et la date, la fenêtre entre deux mondes, selon l'heureuse expression de Georges Duhamel, ouverte sur l'Orient et l'Occident. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Liban passe avec la Syrie sous mandat français. Dans le Moyen-Orient, que Paris et Londres se partagent alors, le Liban est un pays à part, où plusieurs religions se côtoient et où l'on tente d'établir un modèle de cohabitation confessionnelle et communautaire, un modèle unique dans la région. Il prend forme dès l'indépendance en 1943, il est incarné par la mise en place d'un pacte national. En réalité, ce pacte est un accord tacite par lequel les plus hautes responsabilités de l'État sont confiées aux différentes communautés en fonction de leur importance dans la population sur la base d'un recensement, en l'occurrence celui de l'année 1932. Les chrétiens maronites, alors majoritaires dans le pays, obtiennent la présidence de la République. Les musulmans sunnites, le poste de chef du gouvernement, et les musulmans chiites celui de président de l'Assemblée nationale. Les Grecs orthodoxes, eux, se voient confier la vice-présidence de cette même Assemblée. Cette règle non écrite et l'organisation politique du pays qui en découle doivent permettre d'établir un climat stable et propice au compromis. Mais en réalité, ce sont bien le clientélisme et le communautarisme qui priment. En plus de la fragilité des institutions, le Liban doit également composer avec un contexte régional bouillant. En mai 48, en effet, l'équilibre fragile qui prévalait est bouleversé par la création de l'État d'Israël. Le conflit qui débute au lendemain de la création de l'État hébreu avec ses voisins arabes déclenche une arrivée massive de réfugiés palestiniens en Jordanie, mais aussi au Liban, où plus de 300 000 d'entre eux trouvent refuge dans des grandes fortunes. Cette vague de réfugiés bouleverse la démographie libanaise et la viabilité du pacte national. Les chrétiens maronites se sentent menacés par une communauté musulmane renforcée par l'arrivée de nombreux palestiniens. En 1958, le Liban connaît sa première crise intérieure. Alors que le président chrétien, Camille Chamoun, entend renforcer ses liens avec l'Occident, le gouvernement musulman tente, lui, de se rapprocher des pays arabes pour intégrer la République arabe unie fondée par l'Égypte et la Syrie. La situation se tend à tel point que le président libanais est contraint de demander l'intervention de troupes américaines pour sécuriser le pouvoir en place. Ici Jean Arnaud qui vous parle de Beyrouth. J'ai eu la chance tout à l'heure, à 15h heure locale, d'assister de la plage au débarquement des premières unités américaines. Opération classique à partir de deux destroyers et de 5 transports de troupes. Les bateaux à fond plat ont débarqué sur la plage au sud de Beyrouth, près de Haldé, des jeeps waterproofés et des fantassins blancs. Ils ont pris position sur la route qui longe la côte au plus près et se perd dans les sables. Ils ont écarté sans brutalité les nombreuses voitures de curieux sympathisants et les marchands de glace. Et ils se sont dirigés vers l'aérodrome. Le premier contingent débarqué se composerait de 5000 hommes. On entend aussi les avions à réaction partir des porte-avions. La ville a son calme des après-midi d'un été de crise. Mais la première impression est de soulagement. Enfin, ils sont là. C'était Jean Arnaud qui vous a parlé de Beyrouth. L'intervention américaine favorise le maintien du statu quo. Mais en aidant les Kataeb, elle permet aussi à ce groupe de chrétiens libanais de se distinguer. Fondée en 1936 par Pierre Gemayel, un pharmacien de Beyrouth, les Kataeb, ou phalanges chrétiennes, constituent une force majeure au Liban. Cette organisation politique, qui a joué un rôle important lors de l'indépendance en 1943, fédère une frange importante de la communauté maronite. Elle s'appuie sur des groupes paramilitaires largement impliqués lors des différents conflits qui secouent le pays. Mais malgré plusieurs crises internes, un appareil étatique fragile et un contexte géopolitique tendu, le Liban parvient à entretenir une image positive dans le monde. Son port de commerce, sa place bancaire, sa modernité, ce côté post-avancé de l'Occident au Moyen-Orient et ses nombreux atouts touristiques participent au dynamisme économique et culturel. Madame Suzanne Labin, vous venez de passer 5 jours au Liban. Est-ce que c'était la première fois que vous visitiez ce charmant et petit pays ami ? C'était la première fois et ça a été pour moi une très grande surprise. Le Liban a tout pour attirer. Il a la mer, et à un quart d'heure de taxi, il a les montagnes, et puis les fameux cèdres du Liban. Comment trouvez-vous le niveau de vie, comment trouvez-vous le Liban, après ce long voyage en Extrême-Orient ? Colossalement riche. Le Liban, lorsque vous vous promenez en voiture, on ne voit que des maisons en briques, en dur. Il y a des banques, par dizaines. Et finalement, j'ai appris que le Liban, c'était la Suisse de l'Europe. Du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient, je veux dire. Ou bien l'Uruguay de l'Amérique latine. Et que toutes les affaires d'argent s'y passaient. C'est pourquoi j'ai compris que ce pays était si riche. Mais les années qui suivent vont continuer d'ébranler le fragile équilibre qui prévaut au pays du cèdre. Au mois de juin 67, la guerre lancée par l'Égypte et les pays arabes contre Israël se solde par une cuisante défaite. Tsahal détruit ses ennemis en 6 jours seulement. Aux mêmes causes, les mêmes effets, une nouvelle vague de réfugiés palestiniens traverse la frontière du nord d'Israël vers le Liban. À la suite de ce conflit, l'OLP de Yasser Arafat intensifie son activité dans ce pays. Il frappe Israël depuis les camps situés à Beyrouth ou Tyr, au sud. Véritable base opérationnelle, ces camps de réfugiés palestiniens deviennent aussi d'importants lieux d'entraînement pour les fedaïnes, les combattants de l'OLP. cette activité terroriste et le soutien d'une partie de la population libanaise pour la cause palestinienne contribuent à tendre la situation. En avril 69, une manifestation de sympathisants de l'OLP est réprimée dans le sang et l'armée libanaise tente de reprendre le contrôle des camps palestiniens. Enfin, armée soutenue par de nombreux pays arabes, les Palestiniens parviennent à contenir les attaques libanaises. Le pays se trouve encore une fois au bord de la rupture. En octobre de la même année, le président maronite demande à l'Égypte d'intervenir en tant que médiateur du conflit. Et le 3 octobre, un accord est trouvé. Autre sujet d'importance dans l'actualité internationale, le Proche-Orient. Palestiniens et Libanais sont parvenus à un modus vivendi. L'accord a été réalisé hier soir au Caire entre le commandant en chef de l'armée libanaise et le leader de l'OLP, M. Yasser Arafat. Que pense-t-on de cet accord au Liban de Beyrouth, Bernard Lano? C'est tout ce qui n'est pas dit dans le communiqué commun libano-palestinien qui préoccupe ce matin l'opinion libanaise. Le laconisme du communiqué était attendu. Les clauses réglementant les rapports entre l'armée libanaise et les fédayines palestiniens ne pouvaient que rester officiellement secrètes. On en connaît cependant les grandes lignes. Désormais, a dit M. Yasser Arafat, nous poursuivrons la bataille à partir du Liban comme partout ailleurs. Comme un goût de défaite pour la présidence chrétienne du Liban, car c'est bien Yasser Arafat qui sort vainqueur des négociations du Caire. En signant le compromis, l'État libanais reconnaît l'extraterritorialité des camps de réfugiés sur son territoire. En clair, dans ces enclaves, c'est bien l'OLP qui est reconnu comme autorité légitime. C'est un État dans l'État. Et c'est aussi une défaite pour Israël, qui doit composer avec la présence de ses proches des combattants situés à quelques kilomètres à peine de sa frontière nord. Puis en 1970, c'est tout l'état-major de l'OLP qui s'installe à Beyrouth. À la suite des événements de Septembre Noir, durant lesquels les réfugiés palestiniens de Jordanie sont chassés de Amman par le roi Hussein, avec le soutien d'Israël, Yasser Arafat installe son quartier général dans la partie ouest de la capitale libanaise. Et c'est comme ça que le pays devient de poudrière qu'une simple allumette peut enflammer. Le dimanche 13 avril 1975, le pays bascule définitivement dans le chaos. Après un attentat raté dirigé contre Pierre Gemayel, un bus de Palestiniens est mitraillé par les miliciens des phalanges chrétiennes, bilan 27 morts. Alors la situation s'enflamme et les combats se multiplient. À Beyrouth, les miliciens chrétiens et musulmans dressent des checkpoints partout en ville et la capitale se trouve vite séparée en deux. Beyrouth Est est aux mains des phalanges, Beyrouth Ouest, où se trouvent les camps de réfugiés et les bureaux de l'OLP, est contrôlé par des miliciens d'un front gauche musulman. Beyrouth était une ville sans vie aujourd'hui. Les affrontements entre fédayines et catholiques libanais se sont poursuivis toute la journée avec une extrême violence dans le centre de la capitale libanaise de Beyrouth. Philippe Rochaud. Ce soir encore, Beyrouth compte ses morts. En trois jours, les combats de rue auront fait 100 tués et 60 blessés chez les fédayines et la milice des phalanges. Dans certains quartiers, sur la route nord, on n'a pu enlever les morts que tard dans la soirée. Aujourd'hui, les fusillades ont gagné le centre de la capitale libanaise. Seuls deux ou trois magasins d'alimentation étaient ouverts pour que la population puisse se ravitailler. Le président de la République s'active pour apaiser les esprits, mais les morts de dimanche dernier doivent être vengés, estiment les fédayines, alors que les kataebs sont prêts à résister. Je les ai vus ce soir embarquer depuis le siège de leur parti des canons de 105 tout neufs. Les combats se propagent partout dans le pays. À l'est, la plaine de la Bekaa et une partie des montagnes sont tenues par une coalition de mouvements arabes. Au sud, les Palestiniens s'opposent à l'armée régulière libanaise. Le président maronite, Sleiman Frangieh, ne contrôle plus que quelques 400 km² autour de la capitale et du palais présidentiel. En 76, la Syrie intervient dans le conflit, rendant la situation encore plus compliquée et explosive. Pour le président Hafez al-Assad, qui revendique alors une grande Syrie incluant le Liban, c'est l'occasion de s'imposer comme une force majeure dans la région. Après avoir proposé sans succès un cessez-le-feu, ses troupes traversent la frontière au mois de juin. Mais alors qu'il semblait dans un premier temps disposé à discuter avec tout le monde, le président syrien et son état-major ordonnent rapidement le pilonnage des positions chrétiennes sur Beyrouth et dans les montagnes du Nord. Au sud du pays également, c'est la confusion la plus totale. Une partie de l'armée fait sécession sous l'impulsion du général chrétien Saad Haddad. Ses troupes combattent les Palestiniens installés dans plusieurs camps près de la frontière avec l'État hébreu. Puis en 78, c'est Israël qui s'en mêle à son tour. À la suite de nombreuses roquettes envoyées sur les implantations juives depuis sa frontière nord, le premier ministre Menachem Begin lance une attaque en territoire libanais. Aidé par l'armée du Liban Sud de Saad Abad, les troupes israéliennes établissent une vaste zone de sécurité au sud du fleuve Litani. Cette coopération entre Israël et l'armée chrétienne du général Abad marque le début d'une nouvelle stratégie pour l'État hébreu. L'état-major israélien comprend en effet que les forces chrétiennes sont leurs meilleurs alliés pour tenter de se débarrasser définitivement des centaines de milliers de réfugiés palestiniens installés au Liban. Pour parvenir à leur fin, ils décident donc de miser sur les phalanges chrétiennes, désormais dirigées par le fils de Pierre Gemayel, Bachir. À 31 ans, il s'est imposé depuis le début de la guerre comme un leader charismatique. Il a structuré et organisé une véritable armée de 85 000 hommes. Baptisée « Force libanaise », cette armée regroupe les phalanges, mais aussi la quasi-totalité des forces chrétiennes du pays fédérées autour de lui. Le jeune chef militaire s'impose également comme futur leader politique et ses objectifs sont clairs. Chez les combattants de la droite chrétienne, la présence des soldats de la force de paix arabe dans les régions qu'ils contrôlaient autrefois est ressentie comme une humiliation. Trois semaines après l'entrée des Syriens dans toutes les régions du Liban, les mécontents de la paix arabe se sont regroupés autour du chef militaire des phalanges, Béchir Gemayel. Le fils du fondateur des phalanges s'adresse ici à un millier de Libanais chrétiens sur les ruines du camp palestinien de Tel Zatar, conquis par ses combattants au mois d'août dernier. Il promet que les chrétiens ne rendront pas leurs armes lourdes tant qu'il restera un seul étranger armé au Liban, comprenez les Palestiniens. Aujourd'hui, les massacres de Sabra et Shatila. Affaires sensibles sur France Inter. Dès l'année 1978, Béchir Gemayel est approché par le gouvernement israélien. Les hommes du ministre de la Défense, Ariel Sharon, lui proposent de l'aider dans son combat contre la présence de l'OLP et de la Syrie sur le territoire libanais. L'aide qu'il propose est concrète. Des armes, des munitions, des véhicules, des uniformes. Il propose même de former une unité d'élite auprès d'instructeurs de Tsahal. Une proposition que le leader des forces libanaises accepte. Il vient de gagner un soutien de poids, mais il devient aussi une carte majeure que l'État hébreu compte bien abattre dans ce conflit qui s'enlise. Au printemps 82, la situation reste toujours aussi instable au Liban. 7 ans après le début de la guerre civile, seul le nombre de morts semble évoluer toujours plus important. Au sud du Liban, les forces palestiniennes continuent de pilonner le nord d'Israël et les actions violentes de l'OLP se multiplient un peu partout sur le territoire. Le 3 juin 82, un diplomate israélien est gravement blessé à Londres par un terroriste palestinien. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En réaction, le Premier ministre Menachem Begin et son ministre de la Défense, Ariel Sharon, décident d'activer un plan d'attaque qu'ils préparent en fait depuis plus de 2 ans. Et le 6 juin 1982, l'opération intitulée « Paix en Galilée » débute. Journal Luc Évrard. Une nouvelle fois donc, la guerre fait rage au sud Liban. Après 2 jours d'intenses bombardements, 2 colonnes de blindés israéliens et 1 bataillon d'infanterie ont franchi la frontière ce matin. Leur progression est épaulée une fois encore par l'aviation, mais aussi par les unités navales qui auraient même débarqué sur les côtes libanaises. Les troupes israéliennes ont atteint la ville de Tyr. D'après l'agence palestinienne Wafa, 20 000 soldats israéliens participeraient à l'attaque. Officiellement pour Israël, il s'agit de mettre la Galilée hors de portée de l'artillerie palestinienne. L'opération a d'ailleurs été baptisée « Paix pour la Galilée ». L'Organisation de libération de la Palestine, de son côté, annonce que ses combattants se battront jusqu'à la mort pour défendre leur position. Autrement dit, c'est bel et bien une nouvelle guerre qui vient de s'engager. D'abord, l'ambiance à Beyrouth sur ce qui est en premier lieu un nouveau drame libanais. Alain Chalfont. L'objectif de cette opération militaire est clairement affiché. Mettre fin aux actions de l'OLP et expulser ses combattants du territoire libanais. Face à la puissance de l'armée israélienne, les forces arabes ne résistent pas longtemps. En quelques jours, Tsahal parvient aux portes de la capitale libanaise et fait la jonction avec les positions des phalanges chrétiennes. Le siège de Beyrouth Ouest se met alors en place et en coordination avec la force libanaise dirigée par Bechir Ganayel. Les combats sont intenses et font de nombreuses victimes, le tout devant les caméras du monde entier. Au début du mois d'août 1982, les États-Unis envoient une délégation diplomatique et le 12 août, un accord est trouvé. Annette Ardisson, bonsoir. Après plus de 10 heures de bombardements intensifs extrêmement violents, les armes se sont tues ce soir à Beyrouth. Un nouveau cessez-le-feu est intervenu et Israël a fait savoir aux Américains qu'il avait l'intention de cesser les bombardements aériens sur Beyrouth Ouest afin de permettre la poursuite des négociations. Le gouvernement israélien aurait précisé que même si les forces israéliennes essuyaient des coups de feu, elles utiliseraient d'autres moyens de représailles que les raids aériens. L'accord prévoit donc le retrait de l'armée israélienne ainsi que le départ du Liban des fédéines palestiniens et de leur chef Yasser Arafat dans les plus brefs délais. Il valide également le déploiement d'une force internationale composée de soldats français, italiens et américains afin de protéger les 200 000 civils vivant dans Beyrouth Ouest. Le 21 août, Yasser Arafat et plusieurs milliers de combattants de l'OLP quittent le Liban à bord de navires occidentaux. Ils prennent la direction de la Tunisie. Ce sont ensuite les troupes syriennes qui battent en retraite vers la plaine de la Bekaa, à l'est du pays. Le 23 août, Bachir Gemayel est élu président de la République par l'Assemblée nationale. Avant sa prise de fonction officielle fixée au 22 septembre, il multiplie les entretiens avec les différentes forces en présence au Liban. Il apparaît quotidiennement à la télé et affiche sa volonté de transcender les clivages confessionnels et communautaires pour unir le peuple libanais. Il refuse même de signer dans l'immédiat un traité de paix avec Israël, prenant ainsi ses distances avec son allié. Et au fil des jours, un espoir semble naître dans le pays. Les troupes de la force internationale quittent le Liban le 13 septembre, plus tôt que prévu dans le plan initial. Pourtant, la situation est loin d'être stabilisée. Le lendemain, mardi 14 septembre en effet, le Liban s'embrase à nouveau. La fatalité libanaise, c'est au surlendemain du départ des troupes françaises, illustration de l'ébauche de paix qui se dessinait au Liban, et c'est aussi au milieu des combats entre Israéliens et Syriens que Béchir Gemayel a été tué hier, victime de l'attentat qui a détruit le siège de son parti à Beyrouth-Est. Béchir Gemayel était le leader des chrétiens, son élection avait été un peu contestée ou accueillie fraîchement par certains, et pourtant il représentait bel et bien la possibilité pour le Liban de retrouver une vie politique normale, et donc à l'État libanais de restaurer sa souveraineté. Béchir Gemayel avait été élu le 23 août. Beyrouth était encore sous les bombes. Rien n'était définitivement réglé. Mais dès son élection, le leader chrétien qui devait entrer en fonction dans moins de 10 jours avait à la fois fait preuve de modération et de fermeté. Pour les dirigeants des phalanges chrétiennes, comme pour leurs alliés israéliens, l'attentat a été commandité et perpétré par l'OLP. Et ils sont convaincus qu'il reste des milliers de combattants dans les camps de Beyrouth. Manifestement, le départ de Yasser Arafat n'a pas suffi à calmer la situation. Même si l'on découvrira plus tard que le poseur de bombes était en réalité un Libanais pro-syrien, la machine est enclenchée. Ariel Sharon, le ministre de la Défense israélien, affirme qu'il reste entre 2000 et 3000 combattants dans les camps de Sabra et Shatila. Dans les heures qui suivent l'attentat, les troupes israéliennes franchissent la ligne verte qui sépare les zones est et ouest de Beyrouth. Ils prennent la direction, puis encerclent ces immenses camps de réfugiés. Officiellement, il s'agit de protéger les civils et de sécuriser une ville au bord de l'explosion. En coulisses pourtant, les responsables israéliens avancent leurs pions et s'apprêtent à abattre leurs cartes phalangistes. Ils comptent sur la milice chrétienne pour aller nettoyer les camps de réfugiés. Les dirigeants d'État hébreu savent que les miliciens viennent de perdre leur chef militaire et qu'ils sont prêts à faire le sale boulot. C'est à Eli Obeika, l'un des plus hauts responsables des phalanges, qu'on propose un plan. Pénétrer dans les camps de réfugiés de Sabra et de Shatila et tuer tous les combattants qui s'y trouvent. Obeika demande un délai pour préparer ses hommes. Rendez-vous est pris 24 heures plus tard. Dans les heures qui suivent, plusieurs milliers de miliciens se mettent en ordre de marche et prennent la direction de Beyrouth Ouest. Dans l'après-midi du 16 septembre, Eli Obeika se rend au QG israélien, installé dans un immeuble en contre-haut des camps. Il vient échanger une dernière fois avant de lancer l'assaut. Peu avant 18 heures, les premiers combattants chrétiens pénètrent dans l'enceinte des camps. Les miliciens phalangistes ratissent la zone dans ses moindres recoins. Toutes les ruelles et toutes les impasses sont quadrillées. Les milliers de bâtiments enchevêtrés les uns sur les autres sont fouillés. Rien ne doit leur échapper. Et il n'est plus question de ne s'en prendre qu'aux combattants. Les miliciens sont ici pour se venger. Et ils ne comptent pas demander à chaque homme s'il appartient ou non à l'OLP. D'ailleurs, les consignes des chefs phalangistes sont claires. Il faut abattre le plus de monde possible. Les hommes, bien sûr, mais aussi les enfants qui ne sont rien d'autre que futurs combattants. Il en va de même pour les femmes, y compris celles qui sont enceintes, parce qu'elles portent en elles l'effet d'Aïn de demain. Dans le documentaire Massacre, réalisé par Monica Borkman et Lockman Slim, l'un de ces miliciens raconte 20 ans plus tard la réalité de ce massacre. Dans différents endroits, les femmes sortaient en premier. Les femmes ont la mauvaise habitude de se lamenter. Elles croyaient qu'en faisant ça, elles allaient nous apitoyer. Mais nous, ça ne nous touchait pas. C'est pourquoi tant de femmes sont mortes à Sabra et Shatila. Celles qui sortaient se condamnaient à mourir la première. Suivaient son fils, son père, son mari, sa fille, son cadet, son petit-fils et je ne sais qui. Tu tirais sur tout ce que tu voyais, peu importe l'âge ou le physique. Vers 19h, un officier israélien présent au QG de Tzahal écoute une conversation radio entre un combattant des phalanges et Eli Obeika, qui observe l'opération depuis le toit de l'immeuble. À la question de savoir s'il faut tuer les femmes et les enfants qu'il vient d'arrêter, Obeika répond: c'est la dernière fois que tu me poses cette question. Tu sais quoi faire. À la tombée de la nuit, l'artillerie israélienne commence à tirer plusieurs salves d'obus éclairants. Une pluie de lumière qui dure jusque très tard dans la nuit. Au lever du jour, l'opération se poursuit. Et une terrible odeur se répand sur les camps et leurs alentours. Une odeur de mort, on l'a dit. Oui, des centaines de cadavres, dont beaucoup sont gravement mutilés. Des hommes, mais aussi des enfants et des femmes, des centaines de civils innocents. Les échos de cette nuit de violence se sont déjà propagés à travers la ville. Certains journalistes ont eu vent du massacre en cours et la pression commence à monter sur les responsables israéliens. Ariel Sharon en personne reçoit un coup de téléphone en pleine nuit du journaliste Ron Ben Ishaï qui l'informe de la tuerie en cours et le somme d'agir. Alors que le jour se lève, une réunion se tient au QG israélien. Si les chefs phalangistes sont félicités pour leur action contre les combattants d'OLP, on leur demande de ne plus s'en prendre aux civils. Les responsables se mettent d'accord sur un délai de 24 heures pour quitter les lieux. En vérité, 24 heures pour nettoyer les traces du massacre. Les forces israéliennes mettent un bulldozer à disposition des phalangistes. Dans l'enceinte des camps, les miliciens regroupent les Palestiniens capturés pendant la nuit. Les femmes et les enfants qui ne sont pas tués sont emmenés dans l'enceinte d'un stade situé à quelques centaines de mètres de là. Les hommes, eux, sont soit chargés dans des camions à destination inconnue, soit rassemblés autour de grands trous creusés par les bulldozers. Et là, ils sont méthodiquement abattus, puis jetés dans ces fosses communes. Des centaines de corps sont ainsi entassés avant d'être recouverts de terre. Les combattants phalangistes quittent les camps de Sabra et de Shatila le samedi 18 septembre à 8 heures. Ils laissent place aux premiers journalistes venus rendre compte de l'horreur. La violence, la haine, a atteint ici son paroxysme. Les récits d'horreur de ceux qui ont réussi à échapper à ce massacre sont terrifiants. Des hommes en armes sont entrés dans les maisons, abattant sans distinction les femmes, les hommes et les enfants. Dans ces deux camps de réfugiés de Sabra et Shatila, à la périphérie de Beyrouth. Des familles emportent les corps disloqués et racontent. Ils nous ont égorgés. Ils ont égorgé des enfants, beaucoup d'enfants. Les cadavres jonchent les ruelles étroites de ces deux camps de Sabra et de Shatila. Des dizaines de corps, des femmes, d'enfants, d'hommes. Ces traces de balles sur les murs prouvent que ces hommes ont été délibérément fusillés. Des corps d'enfants, un véritable récit d'horreur, sans doute une véritable nuit d'horreur, pour ces habitants de ces deux camps de Sabra et de Shatila, alors que les survivants fuient, agitant une chemise, comme drapeau blanc. Le massacre des réfugiés palestiniens des camps de Sabra et Shatila fait le tour du monde. Une pluie de condamnations internationales s'abat sur les phalangistes, mais aussi sur les responsables israéliens. Le ministre de la Défense, Ariel Sharon, le chef de l'armée, Rafael Eitan, et le premier ministre, Menachem Begin, sont accusés d'avoir encouragé cette tuerie et de n'avoir rien fait pour y mettre fin. Le massacre bouleverse la population israélienne qui descend dans la rue. Le 27 septembre, une immense manifestation rassemble plus de 400 000 personnes dans les rues de Tel Aviv. C'est encore aujourd'hui la plus grande manifestation populaire de l'histoire de l'État hébreu. Face à la colère générale, une commission d'enquête est mise en place. Elle conclura plus tard à une responsabilité réduite des principaux responsables politiques et militaires. En reconnaissant seulement leur manque d'action, la commission choisit d'occulter toutes les preuves de complicité collectées durant l'enquête. Des preuves qui seront révélées des années plus tard par un journaliste qui a eu accès au dossier secret de la commission d'enquête. Au Liban, la justice ne se saisira jamais de l'affaire. Le 22 septembre, c'est Amin Jamayel, le frère aîné de Bachir, qui est élu président de la République par l'Assemblée nationale. Installé par les Israéliens dans l'espoir d'entretenir les relations créées avec son frère, le président s'éloignera d'Israël et tentera en vain de faire revenir la paix au Liban. En vain, oui, car la guerre continue jusqu'en 1990. Une guerre de 15 ans qui laisse plus de 130 000 morts derrière elle. En 1991, une loi d'amnistie est votée et empêche de juger les responsables des massacres de Sabra et Shatila. Elie Baïka, chef des phalangistes lors du massacre, connaîtra même une carrière politique. Oui, nommé plusieurs fois ministre, avant d'être assassiné en septembre 2002, alors qu'il avait annoncé vouloir parler à la justice. En 2022, 40 ans après le massacre, les camps de Sabra et Shatila sont toujours là, abritant des milliers de réfugiés palestiniens qui vivent encore aujourd'hui avec la mémoire de ces 3 jours de terreur. Comment pourrait-il en être autrement ? Sur les bases palestiniennes au printemps 71, la beauté était subtilement diffuse, dans une forêt animée par la liberté des fédayines. Dans les camps, c'était une beauté encore différente, un peu plus étouffée, qui s'établissait par le règne des femmes et des enfants. Les camps recevaient une sorte de lumière venue des bases de combat, et quant aux femmes, l'explication de leur éclat nécessitait un long, complexe débat. Plus encore que les hommes, plus que les fédayines au combat, les femmes palestiniennes paraissaient assez fortes pour soutenir la résistance et accepter les nouveautés d'une révolution. دنيا سكتت سايون دارت ما بغت دنيا سكتت سايون دارت ما بغت صبرا وشاتيلا مزارار كبيرة صبرا وشاتيلا مزارار كبيرة اطفال تبحت شيوخ وعيالات اطفال تبحت شيوخ وعيالات Écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui le massacre de Sabra et Shatila. Notre invité sort Chalandon. Bonjour. Bonjour. Journaliste, en l'occurrence au Canard Enchaîné. Vous avez eu le prix Albert Londres en 88 pour vos reportages et vous avez publié 10 livres, dont Le Quatrième Mur, un roman mais qui a pour cadre l'histoire que nous venons de raconter, qui est sorti chez Grasset en 2013, c'est absolument. Ça ? Absolument. Bien, je parlais tout à l'heure de la situation au Liban, la situation politique était très originale, finalement très démocratique, hein, parce qu'il y avait un président chrétien, un premier ministre musulman chiite, un président de l'Assemblée nationale sunnite, pardon, un président de l'Assemblée nationale chiite. C'est très vertueux, très respectueux des confessions au Liban. Mais est-ce que cette force n'était pas d'abord la plus grande fragilité du Liban ? Ben, c'est-à-dire que tous ces gens-là représentaient des gens en armes. Ouais. Donc il suffisait et voilà. Donc là vous n'avez pas quelque chose de vertueux, vous avez en fait une séparation militaire et politique d'un État qui, à un moment donné, il suffit que l'un de ces groupes-là, que ça soit chiite, sunnite, chrétien libanais, dise non, on y va. On reprend la possession, on reprend une rue, on reprend une zone, on reprend un portefeuille ministériel et ça explose. C'est-à-dire que il y a pas de paix armée. Donc je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de mettre ça en place, mais c'est absolument intenable. C'est-à-dire que c'est tellement tous les intérêts sont contraires, tous. Mmh. Ce sont pas des adversaires, ce sont des ennemis. Donc il était normal qu'à un moment donné, tout ce vernis démocratique craque et que les gens ressortent dans les rues armés et que la guerre reprenne. C'était absolument, c'est inenvisageable. C'est comme si, je connais un petit peu l'Irlande du Nord, c'est comme si on avait dit, voilà, il y aura les paramilitaires protestants qui seront avec des chefs militaires protestants, les paramilitaires républicains, etc. Et on espère que les armes vont se taire. Non, elles peuvent pas se taire. Il faut que les armes soient rangées avant. Elles n'ont jamais été rangées. Et en ce moment, et moi j'ai des amis au Liban qui sont des amis proches, on rachète une arme automatique pour la maison au cas où. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est irrépressible. Donc le verre était dans le fruit en fait. Le verre était dans le fruit dès le départ. D'abord, est-ce que le Liban existe en tant que pays? Est-ce qu'il existe? Il est sous protectorat français, maintenant voilà, il est dominé par la Russie, voilà, par la Syrie. Mais est-ce que c'est un État véritable ou bien est-ce que c'est un État qui a été construit de briquet de broc? Et le briquet de broc, il explose. Et la circonstance très aggravante, c'est qu'on a un partage du pouvoir confessionnel. Donc la religion se mêle de politique et on sait à quel point c'est toujours une impasse, c'est dangereux, c'est la violence, enfin, c'est la pire des choses. On, dire en plus, on n'est pas entre les... Chaldéens et les Syriaques. Même entre les chiites et les sunnites, il y a eu des combats de rue extrêmement durs. Donc c'est-à-dire qu'en Occident, souvent on dit voilà, les chrétiens, les musulmans, pas du tout. C'est-à-dire il y a les chrétiens, puis il y a les chiites, puis il y a les sunnites, et puis il y a des groupes chiites armés qui se sont affrontés. C'est-à-dire c'est bien au-delà de la difficulté que l'on imagine. D'autant plus que des pays voisins tirent des ficelles. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, la milice chiite Amal, soutenue par la Syrie de Nabi Berri, je crois, c'est ça? Alors, Nabi Berri est aussi chiite, mais c'est vrai que les Syriens ont longtemps soutenu Amal, et le soutiennent encore. Et puis, il ne faut pas oublier les Israéliens, évidemment, qui ont aussi un rôle à jouer. Il ne faut pas oublier donc l'Iran de plus en plus, mais il se trouve que c'est assez paradoxal parce que le Hezbollah qui était vu comme un mouvement de résistance à Israël, maintenant il se bat plus en Syrie contre des sunnites qu'au Liban contre les Israéliens. Donc tout ça est tout ça, c'est une fabrication d'armes, une fabrication d'hommes, une fabrication de groupes armés qui, à un moment donné, est appelé à se battre. C'est-à-dire que s'ils faisaient de la musique, ça ferait un quartet. Mais non, ce sont des combattants, et même les noms des ministres aujourd'hui au Liban, ce sont les mêmes que ceux qui étaient là déjà à Sabra et Shatila, et ce sont des combattants aussi. C'est-à-dire que si vous mettez un combattant au pouvoir, il y a un moment donné où le combattant pose son maroquin et reprend son pistolet automatique. Bien sûr. Alors, c'est normal. L'un des journalistes qui intervenait à l'époque, et on ne peut pas laisser passer ça, parle de catholiques libanais. Non, ce sont des chrétiens maronites. Bien sûr. Non, il n'y a pas de... Pas, si, il y a, il y en a des catholiques libanais extrêmement minoritaires. Ce sont des maronites, Saint Maron, qui est le saint patron du Liban. Alors revenons à Sabra et Shatila. Donc on a raconté dans le récit comment tout cela est arrivé, ce contexte géopolitique et politique intérieure très compliqué. Comme souvent dans ce genre de récit, on ne donne pas de chiffres précis parce qu'on les a pas. Sait-on vraiment combien il y a eu de morts durant ce massacre de Sabra et Shatila? Non, on les a pas, non, on ne sait pas. On ne saura pas. Non, c'est. Enfin, moi, je sais que toutes les portes que j'ai poussées, toutes les rues dans lesquelles je suis entré, il y avait des morts. Des hommes, des femmes, des enfants. Alors quand on dit des hommes, c'est assez étrange parce que c'était des vieillards. Il n'y avait pas tellement d'hommes que ça. Parce que ils étaient où les hommes? Ils étaient la plupart étaient armés, fidaïnes, et donc grâce ou à cause des instances internationales, la grande majorité avait pris le chemin de Tunis avec Abu Ammar, Yasser Arafat, et donc ne restaient que ceux qui n'étaient pas les combattants. Et moi, j'ai pas beaucoup vu d'hommes morts. J'ai vu beaucoup de femmes, j'ai vu beaucoup d'enfants, de vieillards, mais des hommes pas tant que ça. De jeunes hommes, oui, de jeunes hommes, mais des hommes pas tant que ça. Donc je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu tellement d'hommes tués. En fait, ceux qui ont été tués sont les plus fragiles de tous. C'est ceux qui sont restés derrière parce que leurs protecteurs, les combattants, leurs maris, sont partis. Donc on s'est attaqué vraiment à un espace humain sans défense, des femmes, des oui, enfants et des oui. vieillards. Et quand on parlait tout à l'heure de femmes enceintes, oui, enfin, nous le problème que l'on a eu, donc lorsque nous sommes entrés dans le camp, nous étions trois ensemble. Il faisait pas jour encore, il faisait nuit encore. Il y avait Samy Ketz de l'agence France Presse, il y avait François Luizet du Figaro et moi. Et notre souci principal, c'était d'être absolument glacé. Il fallait être froid. C'est-à-dire qu'il fallait que, de façon froide, glaciale, de façon presque mécanique et méthodique, on rapporte ce que l'on voit. C'est-à-dire que quand on voit une femme, il y avait des femmes éventrées avec l'enfant sorti du ventre, ça c'est une chose qu'il faut dire et qu'on a écrit évidemment à l'époque, il ne fallait pas qu'on pleure, il fallait qu'on dise l'enfant sorti du ventre. Parce qu'on espérait tous, qu'il y aurait des poursuites internationales, qu'il y aurait un procès qui n'a évidemment jamais eu lieu, mais c'est-à-dire qu'on avait cette certitude que nous étions témoins de quelque chose qui, dans quelques heures, allait être recouvert de chaux vives et de terre. Il fallait témoigner là. Et surtout, il fallait faire taire. On n'avait pas le droit à l'émotion. On n'avait pas le droit aux larmes. Il fallait qu'on soit brutaux. Il fallait qu'on soit extrêmement glacé et que chaque mort soit comptée, soit comptabilisée exactement comme si nous étions des enquêteurs européens sur un massacre. C'est-à-dire qu'on, enfin moi je me souviens qu'une fois ou deux je me suis assis en pleurant contre un mur et François Luizet, que tous les journalistes appelaient Pépé et qui nous appelait Pépé lui-même, comment ça va Pépé, bah et toi Pépé, François il me dit sors, lève-toi. Et c'est cette phrase qui a guidé ma vie toujours, c'est et arrête de faire chier et change tes larmes en encre. Et j'ai trouvé ça, ce change tes larmes en encre, c'est quelque chose qui m'a porté après, pendant tous les reportages de guerre, c'est ne pleure pas, tu es ton utilité aujourd'hui, tu es là, d'autres ne sont plus là, personne n'est là, on est là, il faut impérativement que notre présence ici serve à quelque chose. Pleurer, hurler, etc., ne sert strictement à rien, soit efficace. Et ça, c'est une chose qui, pour moi, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, est très fort. J'ai vu les bulldozers pousser les corps dans les trous. Donc, nous n'avons pas assisté aux exécutions. C'était fait. Ça renvoie à des images terribles. Mais évidemment, ça renvoie à nuit et brouillard, ben etc. Oui. C'est-à-dire que les bulldozers qui roulent des corps de femmes, de vieillards et d'enfants dans des trous, c'est quelque chose qui a vie à tout jamais. Et nous étions persuadés que ça ne serait pas impuni. Ça a été impuni. Sorchard, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Alma de la Simone, les 100 prochaines années. Je suis père et fils, et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années, et après on voit. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains roulement à billes. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. les 100 prochaines années. Et après, on voit. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Sors Chalandon, on l'a dit à la fin du récit, la réaction de la population israélienne à la suite de ce massacre de Sabra et Shatila a été très forte, avec la manifestation la plus importante ou l'une des plus importantes de l'histoire de ce pays. Quel était le sentiment général et à quel point cet épisode a marqué les Israéliens dans leur histoire et peut-être même dans le regard qu'ils portent sur leur propre pays? Écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire israélienne ni de l'actualité israélienne. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on nous sommes arrivés aux abords du camp, c'est-à-dire que moi, je suis pas un penseur. Moi, je suis un journaliste du regard. Donc, je ne suis pas un éditorialiste. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque nous sommes arrivés aux abords du camp, qui était comme en plein jour, à cause des bombes, des grenades éclairantes israéliennes, il était totalement entouré par les chars israéliens. Totalement entouré. C'est-à-dire qu'on ne passait pas. Et il y avait un jeune serveur de char qui était assis sur son char, qui était en train de fumer, qui nous a vus. On lui a dit, on peut entrer. Il nous a dit, entrez. C'est-à-dire que ce jeune homme-là aurait pu dire, vous n'entrez pas. Personne n'entre. Et le fait que ce jeune homme dise, entrez, déjà, je trouve que c'est une indication incroyable. C'est un jeune soldat de Tsahal qui va faire entrer 3 journalistes dans un camp où il y a des massacres. Et il le fait entrer. Sans lui, on n'entrait pas. Sans lui, on ne témoignait pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je me souviens, c'est qu'après, nous étions allés dans une autre manifestation en Israël, et il y avait cette foule courageuse de la gauche israélienne, Shalom Arshav, etc. Et tout le long autour, il y avait des gens qui nous crachaient dessus sur les trottoirs en traitant ceux qui défilaient de traîtres. Je crois qu'il y a une belle image de la société israélienne. Entre ce jeune qui dit à des journalistes, entrez pour voir, parce que tant pis, après tout, entrez, et ceux qui crachent sur ceux qui défilent et ceux qui défilent quand même, qui sont pleins de crachats et la tête haute, je trouve que c'est une image qui est magnifique. Vous avez continué à couvrir les événements du Liban, ensuite. La guerre Iran-Irak. Oui. Alors, il y a un autre événement dramatique au Liban, c'est en février 2005, l'assassinat de Rafik Hariri, Premier ministre. On peut dire, l'assassinat par... Par, allez-y. On a des noms. Les enquêteurs ont des noms. Il y aura évidemment, c'est comme le port de Beyrouth, il n'y aura jamais d'enquête. Oui, bien sûr, l'explosion du port. Il n'y aura jamais d'enquête, mais les Mollahs... C'est la Syrie pas... Est-ce que c'est les Mollahs? Non, mais il y a les Mollahs. Je veux dire, ils ne sont pas loin, bien sûr. Donc ça a déstabilisé une fois de plus le pays, et aujourd'hui, quelle est la situation au Liban? Alors vous en avez un peu parlé déjà, tout le monde est armé, mais au-delà de ça, comment va le Liban aujourd'hui? Mais je ne suis pas allé depuis un petit moment, donc c'est un peu compliqué. Oui. Moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Avant, au Liban, quand une explosion cassait une vitre, au bout d'un quart d'heure, la vitre, elle était reposée. Aujourd'hui, on met du papier journal. En se disant que de toute façon, ça va recommencer. Oui, c'est ça, ou qu'on n'a pas de quoi acheter une vitre. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Serge Chalandon, d'avoir témoigné. Vous qui êtes entré, effectivement, dans ces camps, juste après le drame. Et on rappelle, heureusement, vous êtes entré. Heureusement que des journalistes sont entrés. Et heureusement qu'un soldat nous a laissé entrer. Et heureusement qu'un soldat. Il aurait pu dire non. Mais bien sûr, il n'y avait pas de témoignage. Et tout seul, avec sa petite cigarette, un gamin qui a dit allez-y. Au revoir, merci infiniment. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Sabra et Shatila, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alexandre Chenet.